Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous passons aujourd'hui à la leçon 23. La phrase clé du jour est... J'ai été réprimandé par mère. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Pendant qu'elle discute avec Sakura sur le campus, celle-ci l'interroge à propos de la journée où elle était arrivée en retard. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 23. Notre phrase clé est... J'ai été réprimandé par mère. Je vais maintenant vous expliquer le sketch. Sakura a demandé à Anna. Es-tu arrivé à temps pour le couvre-feu du dortoir l'autre jour? Signifie l'autre jour. Wa est la particule qui indique un sujet ou le marqueur du sujet. Mongen signifie couvre-feu. Ni est une particule qui indique le temps. Maniatta signifie être arrivé à l'heure pour ou avoir été à l'heure pour. Il s'agit de la forme en ta du verbe maniaimasu, arriver à l'heure ou être à l'heure. Maniatta est la forme familière passée de maniaimasu, n'est-ce pas? Oui, dans ce cas-ci, Sakura pose une question. Alors elle dit maniatta en haussant l'intonation. Pour poser cette question de façon polie, on dit maniaimashita ka? Anna répond iie. Non, c'est une réponse négative. Maniaimasen deshita. Je ne suis pas arrivé à l'heure. Je n'étais pas à l'heure. Il s'agit du passé négatif de maniaimasu. Arriver à l'heure, être à l'heure. La forme négative de maniaimasu est maniaimasen. Ne pas arriver à l'heure, ne pas être à l'heure. En bref, on peut mettre les verbes de forme mas au passé négatif en remplaçant mas par masen deshita. Mais supposons que je souhaite dire je n'y suis pas allé. Allé, c'est ikimas, donc je remplace mas par masen deshita et je dis ikimasen deshita, c'est bien ça? Tout à fait. Sore de okaasan ni shikararemashita. Ainsi, j'ai été réprimandé par mère. C'est une expression à la forme passive. Sore de. Ainsi, pour cette raison, est une conjonction qui permet de préciser une raison, une cause. Elle précise que, pour la raison que je viens d'indiquer, j'ai obtenu le résultat suivant. Okaasan signifie mère. Dans ce cas-ci, il s'agit de la mère du dortoir d'Anna. La particule ni. Lorsqu'elle est utilisée dans une phrase à la forme passive, indique la personne de qui émane l'action. Ici, la mère du dortoir a réprimandé Anna, donc Anna a été réprimandée par la mère du dortoir. C'est pourquoi elle dit Okaasan ni, n'est-ce pas? En effet, shikararemashita signifie a été réprimandé. Réprimandé, c'est shikarimasu. À la forme passive, c'est shikararemasu. Être réprimandé. Au passé, la terminaison « mas » devient « mashita ». Ainsi, la forme au passé de « shikararemasu » est « shikararemashita ». Oui. Si « je », « moi », le locuteur et le sujet, on le met habituellement. J'ai été réprimandé par mère est notre phrase clé aujourd'hui. Exerçons-nous à la répéter ensemble. Okaasan ni shikararemashita. Anna poursuit. Souji touban ga 3 kai fuemashita. Ma corvée de nettoyage a été multipliée par 3. Souji touban signifie corvée de nettoyage. Souji signifie nettoyage. Touban c'est corvée. Na est la particule qui indique un sujet. Sankai signifie 3 fois. Il est composé du nombre 3, san et de kai qui indique le nombre de fois. Fuemashita augmenté, multiplié ou a été augmenté, multiplié, est la forme au passé de fuemasu, multiplié, augmenté. Dans les écoles et dortoirs au Japon, Les étudiants se voient souvent assigner des corvées de nettoyage, n'est-ce pas? Oui. Sakura dit... それは大変だったね。 Ça a été difficile, n'est-ce pas? それ signifie ça. は est le marqueur de sujet. 大変 est un adjectif qui signifie difficile. だった est la forme familière de... でした une manière polie de conclure une phrase au passé. ね est une particule avec laquelle on cherche à obtenir l'assentiment de la personne à l'écoute ou à manifester de la compassion à son endroit. Pour être poli, on dira donc « 大変でしたね ». Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 23. Notre phrase clé aujourd'hui est « お母さんに叱られました ». J'ai été réprimandé par mère. この間は門限に間に合った? いいえ、間に合いませんでした。それで、お母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris à mettre une phrase au passif. お母さんに叱られました. J'ai été réprimandé par mère. Veuillez nous enseigner de manière plus précise comment mettre les verbes à la forme passive. Demandons à notre professeur. On emploie la forme passive lorsque l'on parle en adoptant le point de vue de la personne qui a subi l'action, c'est-à-dire du point de vue de la personne vers laquelle l'action est dirigée. Pour ce faire, on utilise la forme au passé d'un verbe et on indique qui a accompli l'action grâce à la particule « ni ». Laissez-moi vous expliquer comment mettre à la forme passive les verbes de forme « mas ». D'abord, pour ce qui est des verbes dont la voyelle située avant « mas » se termine par « et », dans ce cas, devant « mas », on insère « られ ». Ainsi, « tabemas » manger devient « taberaremas » être mangé. Ensuite, pour ce qui est des verbes dont la voyelle devant « mas » est « i », dans le cas de ces verbes, il y a deux modèles. Le premier modèle consiste à remplacer la voyelle « i » par « a ». Ensuite, on ajoute « les » après, suivi de « mas ». Dans le cas de « shikarimas » réprimandé, on remplace « li » devant « mas » par « la » et on ajoute « les ». On obtient ainsi « shikararemas » être réprimandé. « Shimas » faire devient Saremas. Être fait. Dans l'autre modèle, on insère Dare. Devant mas. Mimas. Regarder devient Miraremas. Être regardé. Enfin, laissez-moi vous parler d'un verbe qui se conjugue de façon irrégulière. Kimas. Venir ou visiter devient Koraremas. Être visité. Veuillez donc les mémoriser tels quels. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons à notre rubrique mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Goshi goshi. Goshi goshi. Ce mot descriptif exprime le nettoyage. Il décrit comment nous nettoyons une chose afin de la débarrasser de sa poussière ou de ses taches. Kip kip. On décrit ainsi comment on essuie ou frotte des verres ou des fenêtres avec énergie. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de « goshi goshi » et de « kip kip ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Nettoyer est fatigant, mais lorsque c'est terminé, tout a l'air pika pika, reluisant. Je suis bien contente. La leçon 23 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était お母さんに叱られました. J'ai été réprimandé par mère. La prochaine fois, nous vous dirons comment Anna se débrouille en classe à son université. Ne manquez pas cette leçon.